Bienvenue dans le monde des rêves. Vous avez déjà rêvé de chat, mais vous en ignorez la signification? Aujourd'hui, je vous dis tout sur C'est ma toux. Vous êtes du genre aventurier et vous rêvez de chasse sauvage. Bonne nouvelle, celui-ci présage des expériences surprenantes. Pour les autres, eh bien, pensez à vous procurer au plus vite un kit de survie. Vous rêvez d'un pauvre petit chat blessé? Ce n'est qu'un rêve. En revanche, cela signifie que vous allez vous impliquer pour rien dans une histoire dans laquelle vous pourriez laisser quelques plumes. Ou poils. Bref, ne perdez pas votre temps. Des miaulements stridents, des griffes bien aiguisées, votre minouche n'est pas possédée, mais cette querelle de chat présage qu'il y aura des disputes. Mieux vaut prévoir la vaisselle en carton. Et un bon seau d'eau. Enfin, vous êtes une femme et vous rêvez d'un chaton? J'ai le plaisir de vous annoncer un nouveau flirt. Si vous êtes un homme, je vous arrête tout de suite, vous ne papouillerez pas avec Catwoman. Vous n'avez tout simplement pas de chance, une déception sentimentale pointe le bout de son nez. Ah, j'aime tellement être une femme. Il est désormais l'heure de nous quitter, mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, faites de jolis rêves.